contre le kidnappage collectif des citoyennes de la République populaire démocratique de Corée par les autorités sud-coréennes. Le 7, l'Association d'amitié avec la Corée, séjour en Espagne, a publié une déclaration, alors que l'Institut du problème de la Corée contemporaine, DIME du Japon, a adressé une lettre de protestation à l'ambassade sud-coréenne au Japon.